fait si bon à la fontaine, il fait si chaud. Viens, je t'emmène, il fait si bon à la fontaine, il fait si chaud. Viens, je t'emmène, je n'aurai pas le temps, me dit-elle, je n'aurai pas le temps. La belle demoiselle, je n'aurai pas le temps, me dit-elle, je n'aurai pas le temps. La belle demoiselle, il fait si bon à la fontaine, il fait si chaud. Viens, je t'emmène, il fait si bon à la fontaine, il fait si chaud. Viens, je t'emmène, elle se balance encore, en dansant, elle aime ça. Elle se balance encore, elle me dit je ne pense qu'à ça. Elle se balance encore, en dansant, elle aime ça. Elle se balance encore, elle me dit je ne pense qu'à ça. A ta de da da yeo, a ta de da da, a ta de da da yeo, a ta de da da. Dès que je l'aperçois, je sens mon cœur qui bat. Je suis dans un état, je ne peux pas résister. Je ne sais pas comment lui dire, je ne sais pas comment lui plaire, je ne sais pas comment m'y prendre, mais y'a pas grand chose à faire. Quand ses yeux me sourient, le monde peut s'écrouler. Je suis tellement surpris que rien ne peut m'arrêter. J'aime sa façon de marcher, j'aime sa façon d'exister, j'aime sa façon de danser et de se déhancher. Il fait si bon à la fontaine, il fait si chaud. Viens, je t'emmène, il fait si bon à la fontaine, il fait si chaud. Viens, je t'emmène, elle se balance encore, en dansant, elle aime ça. Elle se balance encore, elle me dit je ne pense qu'à ça. Elle se balance encore, en dansant, elle aime ça. Elle se balance encore, elle me dit je ne pense qu'à ça. Il fait si bon à la fontaine, il fait si chaud. Viens, je t'emmène, il fait si bon à la fontaine, il fait si chaud. Viens, je t'emmène, je n'aurai pas le temps, me dit-elle, je n'aurai pas le temps. La belle demoiselle, je n'aurai pas le temps, me dit-elle, je n'aurai pas le temps. La belle demoiselle, a ta de da da yeah.